Amis auditeurs, amis auditrices de Radio Radio, bonsoir. Il est 21h01, très exactement. Vous écoutez toujours Radio Radio sur 106.8. Nous sommes le jeudi soir, le 22 juillet, et vous écoutez vraiment autre chose. Il est le 22 juillet, alors bon voilà, ça c'est une date, hein, le 22 juillet 2021 à 21h01, c'est l'heure de vraiment autre chose. Donc le 22 juillet, pour les gens qui écoutent cette émission en différé, parce qu'il est possible d'écouter toutes ces émissions en différé, elles sont rediffusées les jeudis où on n'est pas en direct, et elles sont aussi écoutables en podcast sur le Mixcloud de Radio Radio, ou bien sur le Mixcloud de vraiment autre chose. Autrement dit, vous écoutez peut-être cette émission en 2022, en 2023, donc 22 juillet, ça vous parle peut-être pas totalement comme date. Alors pour mieux situer, on est le lendemain de l'arrivée du pass sanitaire obligatoire en France pour pouvoir assister à des concerts, pour pouvoir aller au cinéma, à la bibliothèque, pour pouvoir visiter des gens à l'hôpital. On est voilà, c'est juste le lendemain. Ça vous parlera peut-être plus cette date-là, quoi. C'est juste avant le quatrième confinement, là, on est aux prémices du quatrième confinement, là, au moment où les masques commencent à réapparaître dans les villes, enfin, voilà, c'est à peu près à ce moment-là, si vous voulez vous remémorer plus précisément cette date-là. Heureusement, il n'y a pas besoin de passe sanitaire, on fait ce qu'on veut de son corps pour écouter la radio, et ça, c'est chouette, et pour écouter vraiment autre chose. Et du reste, il y a encore une petite période de latence en ce qui concerne les bars, donc on en profite pour faire des concerts dans les bars. Je vais commencer cette émission par annoncer un concert qui aura lieu lundi prochain, le 26 juillet à Toulouse, à la Cavaroc. Vous aurez le plaisir de vous délecter du sextet Esch, super sextet de jazz hyper énergique et à tendance très forte à l'improvisation. Andy Lévesque était venu présenter ce groupe, il y a quelques émissions de ça, pour ceux qui nous suivent régulièrement. Voilà, c'est Esch dont on vous avait parlé, ben, on va pouvoir, le fameux Lama Fâché, c'est pour ceux qui se souviennent, on va pouvoir voir ça en live à la Cavaroc, et c'est assez extraordinaire, donc ne ratez pas ça, chers amis, masqués, non masqués, vaccinés, non vaccinés, covido-sceptiques ou covido-convaincus, tout le monde est bienvenu, quelle que soit son opinion, quoi qu'il fasse, enfin c'est libre, c'est entrée libre, ce sera entrée à prix libre d'ailleurs, ce concert-là, donc c'est le lundi 26 juillet à partir de 20h à la Cavaroc, et il y aura aussi le super duo à la duette, c'est un duo qui réunit le batteur Yann Joussin, pareil, un habitué de vraiment autre chose, il est déjà venu d'ailleurs nous faire un solo de batterie dans les studios en septembre dernier, aux prémices du deuxième confinement, là où il y avait les masques, mais on pouvait sortir, mais pas le soir, mais pas avec de l'alcool, et à partir de 21h, mais pas dans les jardins publics, un truc comme ça. Voilà, c'était Yann Joussin, il était venu nous présenter son solo, là il sera en duo, donc à la duette, duo avec le guitariste Frank Gaffer, alias Check Anorak, et ça vaut carrément le coup d'oreille. Donc tout ça, ce sera à la Cavaroc le lundi 26 juillet. Joie, il reste encore des occasions de voir de la musique tous ensemble, la main dans la main, quelle que soit notre opinion. Et oui, c'est encore possible, et ce sera aussi possible d'ailleurs le vendredi 30 à la Mamie à Valaisville, où là vous pourrez voir justement Yann Joussam, cette fois-ci en solo, Check Anorak en solo aussi, le groupe Lent, et pas mal de surprises, voilà, pour une grosse fête à la campagne, tous ensemble, la main dans la main. Voilà, si j'ose dire. Mais là, pour je divague. Il est 21h05. Ce qu'on écoute derrière moi, c'est la musique, c'est Tarte aux Pommes, Captain Tarte aux Pommes, à la musique de Jean Cohen Solal. Et cette musique, elle est là parce que nous sommes dans un hors-série de vraiment autre chose. C'est Au pied de la lettre. C'est notre grand feuilleton automno, hiverno, printano, estival. Parce qu'on en a peut-être pour une année. Voilà, on a décidé de s'attaquer à la Nurse with Wound List. Nurse with Wound List, comme son nom l'indique, est une liste de groupes et de musiciens qu'on trouve dans les deux premiers albums du groupe Nurse with Wound et qui raconte toutes les influences de ces musiciens-là qui sont des férus de chinage de disques et qui sont des audiophiles convaincus, qui ont écouté énormément de choses, qui ont ingéré énormément de musique avant de créer la leur. Et c'est une liste de 300, à peu près 300 musiciens et groupes que nous livrent ces Nurse with Wound dans leurs deux premiers albums en 79 et en 80. Et voilà, la BBC avait consacré une émission de 4 heures, Audion Grid to Nurse with Wound List. Nous, on a décidé d'y consacrer 50 émissions de 3 heures. Nous avons le goût de la mesure, mais on a vraiment à cœur de vous présenter tous les groupes de cette liste-là. Et pour nous, c'est surtout en fait une espèce de porte d'entrée dans ce qui se faisait dans les années 70, dans un peu la folie, la démesure qu'il pouvait y avoir dans ces années-là musicalement. Et ça nous permet de varier énormément de sons, du field recording à la musique contemporaine, à la musique néo-baroque, au jazz, beaucoup de jazz, du jazz rock, du kraut rock bien sûr, énormément de kraut rock, beaucoup de bidouillage électronique, les prémices du punk, mais pas du punk à la Sex Pistols, mais d'un vrai punk énervé et revendicatif, les prémices de la musique indus, du cold wave, enfin voilà, c'est vraiment une super porte d'entrée pour nous. Et on découvre d'ailleurs pas mal de ces groupes en même temps qu'on vous les fait découvrir. Et je dis on parce que je suis pas tout seul, je suis tout seul dans le studio de Radio. Moi, je me suis caché dans la cave pour éviter la fournaise toulousaine. Mais bon, en vrai, il fait chaud dans la cave de Radio. Mais je ne suis pas tout seul parce que je suis accompagné de deux magnifiques camarades qui sont Tony de Cherbourg. Bonsoir, Tony. Bonsoir, Manu. J'ai un peu moins chaud que toi. Eh ben, tu m'envoies ravi. Ouais, à Cherbourg, ouais, je te le souhaite. Ici Cherbourg, 20 degrés. Ah là là. Et comment ça se passe en Outre-Quiévrin, à Bruxelles, puisqu'on va retrouver notre ami Nico? Oui, on le trouve à Bruxelles ici. Et là, à Bruxelles, il y a pour l'instant 22 degrés. Donc, mieux qu'à Cherbourg. Et ça se passe comment chez vous? Tout le monde peut aller voir des concerts, etc. Ou il y a aussi une discrimination par rapport à l'état vaccinal? Comment ça se passe là-bas? Est-ce que vous avez les mêmes lois qu'en France? En Belgique, c'est encore il y a un autre type de discrimination. C'est maintenant on est obligé de porter des masques et de garder la distanciation de 1,50 m. Et la question, c'est est-ce que c'est important de garder cette distanciation de 1,50 m et de porter des masques ou d'avoir une plus grande liberté qui n'est peut-être pas accessible pour tout le monde. Donc, c'est un dilemme pour l'instant. Mais j'ai eu l'occasion, la semaine passée, d'être 5 fois un DJ devant 2000 personnes. Et donc, ça fait tellement bien de faire ça 5 fois. Ouais, ok, d'accord. Ouais, vous en êtes à l'étape un peu avant. Il n'y a pas d'obligation, mais il y a ce choix-là à faire, quoi. Ouais. Ok. D'accord. Ok. Eh ben, très bien, ben, merci pour la mise en situation. Et du coup, la Nurse with Wound List. Ah oui, j'ai oublié, il est 9h09. Et c'est un petit message que j'envoie à Noé s'il m'écoute. Il est 9h09, Noé. Bon, c'est pas forcément. D'habitude, je te demande d'aller te coucher à cette heure-là, mais là, c'est les vacances, donc on s'en fiche. Et puis, il y a des très très beaux sons qui vont arriver droit dans tes oreilles. Donc, tu peux aussi rester avec nous. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste te dire qu'il était 9h09 et c'est quand même assez important à signaler. Et Nico, je te laisse la parole parce que c'est toi, je crois, qui démarre la session et qui va nous faire découvrir un des artistes. On en est à la lettre D, j'ai oublié de préciser, voilà, nous en sommes encore à la lettre D, et donc ce soir on va découvrir 4 artistes et groupes, en les personnes de Jean Dubuffet, Roger Doyle, Philippe Doré et les Doudouettes. Et toi tu vas nous parler, je crois, de Jean Dubuffet, non, de Roger Doyle. Non, on commence avec Roger Doyle. On commence avec Roger Doyle, qui est un ancien batteur dans des groupes de jazz, rock et d'improvisation expérimentale. Il était né à Dublin en 49, donc c'est maintenant 72 ans. Après avoir quitté l'école, Roger Doyle a étudié la composition à la Royal Irish Academy of Music pendant 3 ans, au cours desquels il a obtenu 2 bourses de composition. « Je suis un compositeur », pensait-il. Ses œuvres « 4 sketchs » et « I'll hold the rage » ont des prix de concours de composition de l'Orchestre symphonique de Dublin et ont été joués alors que Roger avait une vingtaine d'années. À cette époque, il enseigne également le piano. Il a composé 6 pieces for pupils who don't like exams. Donc 6 pièces pour des élèves qui n'aiment pas des examens. Et on va écouter un premier morceau qui vient de ça. C'est le morceau Baby Grand qui était sorti en 78 sur l'album Thalia sur le label CBS. Roger Doyle à l'instant, donc Baby Grand, c'était ça le titre, Nico ? Oui, tout à fait, ça c'est le titre. Donc c'est un des 6 pièces qu'il a écrit pour des étudiants qui n'adoraient pas de faire des examens. Et donc c'est une pièce qu'il a écrit déjà avant 1075, mais qu'il est finalement sorti en 78, une fois qu'il était fait des études autour de ça. Roger Doyle, il raccroche ses baguettes lorsqu'il obtient une bourse du gouvernement néerlandais pour étudier la musique électronique à l'Institut de sonologie, alors à Utrecht. En économisant les frais de subsistance liés à sa bourse, Roger a financé et est revenu d'Hollande avec son premier album sous les bras, qui s'appelle Ozo No, qui était sorti en 1975, un mélange de pièces acoustiques et électroniques. Une autre bourse lui permet d'aller au Finnish Radio Experimental Music Studio pendant un an. Roger Doyle peut être considéré comme le pionnier de la musique électronique irlandaise. Et va maintenant écouter deux morceaux, un qui est un peu long et un deuxième qui est très court. Le premier s'appelle Ozo No, qui est le même nom de le titre de l'album. Et le deuxième, c'est le Theme from Antigone, un film qui est, le morceau s'appelle Extra Bit. Et là, juste pour situer, on est en quelle année là? Là, c'est 75. D'accord, toujours. Ok, c'est parti. I really do not get it. Well, you'll be sitting here all night. No, I just don't get it. There's not. I just don't get it. How can I get it with that noise going on? Excuse me, do you get it? Excuse me, sir. Hey, you. Do you get it? Do still on echo. See you, Dada. See you, did you get it off? What do you get it? Always on all. Thank you. Écoutez deux titres coup sur coup tirés de l'album Oizono de Roger Doyle. C'était Extra Beat à l'instant. Et il y a un de mes camarades qui a laissé son retour allumé là, on m'entend en écho. Ben Nico, waouh, j'ai envie de dire comme ça là, à brûle pour point. C'est fou le chemin parcouru entre la première pièce que tu nous as fait écouter là, cet exercice, c'est pour les étudiants qui n'aiment pas faire. Pas faire des exercices, quelque chose de somme toute assez classique, et ouais, tout ce travail de son qu'il y a. En même temps, le dernier morceau, là, l'extra beat m'a un peu rappelé ce Baby Ground, mais par contre, il y a eu du traficage de son qui est passé par là, quoi. Il y a eu beaucoup de travail du field recording aussi, j'imagine. Tu peux peut-être nous en dire plus un peu sur cette façon de fabriquer cette musique ? Non. Bah, c'est justement ce qu'il a réalisé ça, au moment qu'il était à Hollande pour étudier, et là il a découvert ce manière d'enregistrer les sons, parce que aussi la pièce qu'on vient d'entendre, c'est avec vraiment des instruments classiques, hein. C'est donc un violoncelle, une batterie, je pense c'est 7-8 instruments classiques qu'on entend, mais on ne reconnaît pas du tout dans cette pièce qu'on entend ici. C'est vraiment retravaillé, et, ouais, c'est très bizarre, je trouve. Ouais, très, très, très plaisant en tout cas, beaucoup apprécié. Comment tu as découvert c'est le fait d'attaquer la Nurse With One List qui t'a amené à te pencher sur cet artiste, ou tu connaissais déjà Roger Doyle? Non, j'ai déjà eu quelques albums de lui, parce que sur United Dairies, il a sorti plusieurs albums. United Dairies, c'est le label que Stephen Stapleton et, comment il s'appelle, John Fogerill ont créé en 79 pour sortir leur premier album. On parle des musiciens de Nurse With One, pour ceux qui prennent la liste en route. Oui, tout à fait. Et donc, c'est justement Fogerill qui voulait aussi des autres artistes sur cette label-là. Stephen Stapleton n'est pas tellement pour. Il y a quelques albums qui étaient quand même sortis. C'était de Lemon Kittens et encore un ou deux autres groupes. Et à ce moment-là, Stephen Stapleton trouvait que plusieurs choses que John Fogerill voulait sortir sur le label ne correspondaient pas du tout avec l'esprit du label. Et donc, il a vraiment refusé quelques albums. Et finalement, il a lui-même continuer avec le label là, et là il a commencé de mettre des artistes qui correspondaient vraiment avec la vision de Nurse With One. Et donc là, Roger Doyle, c'était un des albums que j'ai trouvé sur le United Dairies label, et ça m'a vraiment surpris. Et aussi maintenant, en réécoutant les premiers albums, je reconnais tellement bien aussi le son de Nurse With One. Si qu'on va écouter l'album suivant qui s'appelle Talia, qui était sorti en 79, et là on reconnaît le son de Nurse With One après leur quatrième ou cinquième album qui est tellement fort influencé de musique de Roger Doyle. Et je pense que c'est peut-être bien d'écouter ce morceau qu'on va écouter, c'est Talia Parts 1 et 2 de l'album Talia qui était sorti en 78. Eh ben c'est parti. Ha ha ha! Waouh. Les mots me manquent. Magnifique. C'était Thalia, partie 1 et 2, de Roger Doyle, donc sur un album, Nico, tu m'as dit qu'il était sorti, en fait, somme toute, sur le label de North Swiss Wound List. Là, pour le coup, c'est un musicien qui a dû apparaître sur la deuxième version de la liste, j'imagine, et en fait, c'est limite de l'autopromo, quoi. Les gars, dans la liste, ils ont mis carrément quelqu'un de leur label. Ouais, c'est... mais il n'est pas sorti sur ce nom-là, il était sorti sur le Operating Theater. C'était un théâtre musical que Roger Doyle a créé à Noël 80, ensemble avec, comment il s'appelle, Owen Fouery. Et c'était assez fantastique. En premier lieu, ils ont sorti cet album, c'est le troisième album de Roger Doyle en autre production, mais l'année d'après, c'est United Dairies qui ont ressorti l'album sur un label officiel. Ok. Eh ben franchement, c'était magnifique. Je t'avoue que ce que tu as passé au début de Roger Doyle m'a moins touché, mais là, c'est super comment s'est construit cette musique, comment ça se mélange effectivement de son bidouillé, de jeu, si j'ose dire, en direct et de film recording. Ça raconte des belles choses. Et ce qui est marrant, c'est aussi le premier morceau qu'on vient d'entendre, c'est sur le même album que ce dernier pièce qu'on vient d'entendre. Ah ouais, c'est fou. On dirait pas que c'est la même, c'est le même musicien. Je comprends complètement sa présence dans cette liste, outre le fait qu'ils connaissent les deux instigateurs de la liste. C'est waouh. C'est pas la plus mauvaise chose qu'on ait entendue dans ces émissions, dirais-je. Tu as ajouté quelque chose sur Roger Doyle ? Il est toujours en activité Non, je pense que si vous êtes curieux, il faut regarder un peu sur le site de Roger Doyle même, qu'il est encore actuellement actif. Il y a encore des choses qui sortent, plutôt dans la musique contemporaine, toutes des choses comme ça. Mais je pense que ça reste quand même assez intéressant de réécouter des choses de la passé, mais aussi des choses actuelles. Eh ben, merci beaucoup pour cette découverte. On va passer à Tony. Tu vas nous parler. Oui, je vais vous parler. Je suis là. Déjà pour commencer, de qui vas-tu nous parler? Ben, on va retrouver des amis qu'on avait découverts à la lettre A, rappelez-vous, première ou deuxième émission de cette Nurse With One List, de ce hors-série au pied de la lettre. On avait écouté Airway et en fait on avait découvert la Los Angeles Free Music Society. Donc ce sont des amis musiciens, un collectif de musiciens expérimentaux à Los Angeles, en Californie, qui au tout début des années 70 fonde cette espèce de bannière, c'est une bannière. Donc parmi eux, Joe Potts, Tom Reckion, Joseph Hammer, John Duncan, Dennis Duck, Rick Potts, parmi les membres prééminents. On avait pu écouter Airway, mais aussi plein de groupes qui se sont formés, dont le Fort Effort, Smegma, Solid Eye, Airway et les Duets. Qui va nous intéresser ce soir. Je pense qu'on va retrouver d'autres groupes par la suite, puisque ces groupes vont réapparaître dans la North Wave One List. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la Los Angeles Free Music Society, sinon que c'est très avant-gardiste, c'est très mêlé à l'art contemporain. Avec Airway, on s'était rendu compte qu'il y avait des messages subliminaux, qu'ils ont fait pas mal d'interventions avec le MoMA à New York. Puis aussi au Musée d'art contemporain de Los Angeles. Airway, c'était la grosse noise bien vénère, si je me souviens bien. Ah bah ouais, c'était impressionnant, c'était les prémices de la noise. Ouais, ça, un petit peu, hein, moi j'ai trouvé, hein, je m'y connais pas beaucoup dans ce genre de musique, mais c'était un peu violent. Ils ont d'ailleurs inspiré Anatarash, par exemple, hein, je sais pas si vous connaissez le groupe japonais. Ouais, super. Voilà, et puis les Incapacitantes, ce que je connais pas du tout. En ce qui concerne ce qui nous concerne, donc les Duets, donc ils ont commencé en 75 Ils ont dû faire la musique d'un film qui s'appelle Think Space. Et d'ailleurs, je vous invite à découvrir, moi j'ai pas écouté, ils ont fait une reprise de Picnic on the Frozen River, un morceau de Faust, voilà, groupe allemand krautrock. Et donc les Doudouettes, au départ c'est Tom Reckion et Harold Schroeder en 1975, et au départ ça s'appelait The Two ou Doudouettes. Mais en fait, ils sont fait accompagner de Juan Gomez, ouais c'est ça, et de Frédéric Nielsen et de Dennis Duck, bon, qui font partie du groupe aussi. Ils sont une grande influence, je pense, pour Thurston Moore des Sonic Youth. Voilà, au début des années 80. Hein. Je sais qu'ils ont fait aussi un album en 85 avec le tout jeune, j'imagine à l'époque, Keiji Aino, donc le guitariste japonais. Voilà. Là, ce soir, on va peut-être s'écouter les trois morceaux de suite. Je ne sais pas ce que tu en penses, Manu. The Solid Eye, sorti en 1982. Non, pardon. The Solid Eye, c'est le nom du label. L'album s'appelle Look to This, en 1982. Ils n'ont pas sorti beaucoup d'albums. Hein. Je crois qu'il y en a trois ou quatre. Voilà, moi, j'ai sélectionné trois morceaux. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment bien. Je ne sais pas quoi dire de plus. Est-ce qu'on écoute les trois morceaux de suite, Manu ? C'est bien, non ? Bah ouais, moi, c'est bien. Carrément bien. Petite trilogie doudouette là. Ouais. On va écouter I Got a Right to Sing the Blue. Ensuite, on va écouter un morceau super chelou qui s'appelle Bird and Bee Orchestra. Et en dernier, on va écouter That Latin. Voici The Doudouettes. I got a right to sing the blue. Thank you. Thank you. mortel. C'est vraiment mortel ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Vous êtes jeune, vous êtes dynamique et vous aimez les musiques étranges et votre rêve absolu est un jour de devenir chroniqueur de vraiment autre chose. Et ben c'est pas très compliqué, il vous suffit d'avoir les clés d'un studio, d'ouvrir, de vous brancher avec deux super camarades en les personnes de Nico de Radio Panique à Bruxelles et de Tony de Radio La Cherche à Cherbourg, de deux grands passionnés, de deux très grands animateurs radio. Vous les laissez parler, vous les laissez vous faire découvrir des groupes de la Nurse With One List et il suffit juste de savoir dire « Ouah, c'est mortel, c'est formidable, ouah, ce qu'on vient d'entendre, ouah, c'est incroyable ». Et voilà, le tour est joué, mais merci beaucoup. Je suis hyper enthousiaste, j'ai adoré les doudouettes et merci d'avoir précisé que c'était le deuxième morceau qui était chelou parce que j'aurais pu confondre si tu m'avais pas prévenu. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, vraiment, non, voilà, super. Cas, hein. Deuxième album de doudouettes, hein, Look to This. Et voilà, il y a 10 morceaux, je crois, sur cet album. Et voilà, c'est une simplicité, une complexité, une nouveauté aussi. Et voilà, une musique aventurière, vraiment remarquable et très, qui a inspiré beaucoup de gens, je pense, comme pas mal de groupes de la Nurse With One, n'est-ce pas ? De la Nurse With One List. Tout à fait. Ouais, mais j'ai même pas un instant trouvé qu'il pouvait y avoir quelques similitudes, en tout cas, choses rapprochantes avec Roger Doyle qu'on avait entendu juste avant. Je sais pas, il y a des moments, il y a des, vraiment presque classiques, presque pompiers, et puis après ça dégénère, et j'ai trouvé qu'il y avait. Ouais. J'ai trouvé cette petite similitude comme ça, vite fait, sur certains passages. Je me disais, tiens, on est dans. C'est bien que ces deux propositions s'enchaînent, parce que je trouve qu'elles font sens. Voilà, bonsoir. Ah bah oui. On a bien fait les choses. Ouais, là franchement, c'était bien fait. Tu connaissais Doudouette, Nico ? Oui, tout à fait, parce qu'il y a Tom Rechion qui est dedans, et il est d'un côté un super chouette musicien, mais je pense qu'il était aussi le creative director de Warner Bros. À l'époque, où il a gagné quelques Grammy. Il a aussi été devenu le directeur artistique, je pense, de Levi Strauss. Donc vraiment des compagnies prestigieuses et où il faisait son revenu. Et de l'autre côté, il pouvait faire des choses vraiment expérimentales comme ici. Donc oui, c'est un monsieur vraiment à suivre, je pense. Okay. Parce qu'il a travaillé dans beaucoup, beaucoup de projets très différents. Ouais, j'aime bien. Très bien. Tu me rappelles le nom, du coup ? The Doudouettes. Non, pas le groupe, je veux dire le créateur du son, comme tu dis. Tom Rechion. Tom Rechion. Avec Harold Schrader. Ouais. Au départ, c'est un duo, en fait. Ouais. Ok. C'est, voilà, des musiciens incroyables. Mais de toute manière, la Los Angeles Free Music Society nous réserve encore des surprises. Hein. On n'a pas fini avec la lettre S et la lettre L, mais ce sera pour dans quelques mois, les amis. Ça, c'est bien. Il faut de temps en temps se reposer. Hein, pas trop dans une fois. Hein. Oui, tout à fait. Mais Tom Rechion était aussi dans Airway, je crois. Hein. Donc, c'est ça qui est génial avec Dennis Duck. Et Airway, c'était quand même une... voilà, on était parti vraiment dans des prémices de la noise music. Et là, on était complètement dans autre chose. On était plutôt dans du espèce de free jazz très libre, en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans cette espèce de compagnie de la Los Angeles Free Music Society, qui porte très bien son nom d'ailleurs, les amis. C'est vrai. Tout à fait. On peut pas mieux dire. Nico, du coup, c'est à toi de nous présenter quelqu'un. Ouais, je continue un peu dans l'esprit de l'art. J'ai entendu tomber des noms de MoMA et des choses comme ça. Et j'ai dit, c'est peut-être pas mal de qu'on reste un peu dans cet esprit-là. On va développer un peu l'idée de Jean Dubuffet. C'est un artiste français qui a créé, entre autres, des sculptures de grande taille. Dubuffet, c'était aussi un grand intérêt pour des dessins d'enfants avec des limitations mentales et de prisonniers. Il en a constitué une grande collection. Il appelait cet art l'art brut. Plus tard, l'œuvre de Dubuffet et celle de ses disciplines ont été désignées par ce terme. Et donc, Jean Dubuffet, c'est devenu le grand propagandiste du terme « art brut ». Il y a très peu de gens qui savent qu'il lui était aussi intéressé par la musique. Il a créé quelques albums en 61. C'est très marrant parce qu'il y a en 61, il a sorti 3 albums. Et pour le reste de sa vie, il n'a pas du tout sorti des autres albums, mais qu'en 61, il y a sorti un album qui était plutôt 6 albums de 10 pouces. Il y a encore un autre album avec Asgeir Jorn. Et il y a encore un autre album tout seul. Qui était aussi sorti en 61. Donc, c'est que 3 années, mais quand même, en total, 11 albums sortis sur 3. Parce qu'il y a un 6 10 inch, un 4 10 inch et un album normal. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut connaître un peu l'art de Jean Dubuffet. Et son musique, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de l'humour dedans, mais je pense qu'il ne faut pas trop dire, il faut justement écouter. Je pense qu'on va écouter maintenant 2 morceaux consécutifs qui viennent de cet album de 6 10 inch ou de 6 10 pouces, je pense que vous dites ça en français. Et c'est 2 morceaux, le premier morceau s'appelle G et le deuxième morceau s'appelle L'eau, et que ça c'est sur l'album Experience Musicale, qui était sur un label italien Edizione del Cavallino, qui était sorti en 61. Ah! C'est Jean Dubuffet. À l'instant, on a écouté deux titres, Temps radieux et L'eau, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, tu ne dis pas de bêtises, parce que moi j'ai fait une petite bêtise. Je disais que le premier s'appelait G, mais c'était Temps radieux. Il faut aussi savoir que c'était une galerie qui a sorti ce box-là, et ils étaient plus exemplaires qui existaient. Il y a une série de 60 où que tous les 6 vinyles sont dedans, qui étaient très limités à 60 exemplaires. Et ils ont encore sorti pour chaque album, donc il y en a 6, un autre nombre. Pour le premier, La Fleur de Barbre, il y en a 134 copies. Pour la deuxième édition, c'était 114 copies. Pour le troisième, Ose l'herbe, qui est le troisième album, c'est 115 albums. Pour le quatrième, c'est 120 albums. Et pour les deux derniers, c'est 60 copies en plus. Et donc, c'est donc très rare de trouver un box complet avec les 6 albums. Et ça représente aussi un peu l'humour que Jean Dubuffet a. Et aussi, on reconnaît un peu son manière de l'art brut qui est représente dans ces deux morceaux qu'on vient d'entendre, je pense. Je ne sais pas comment tu le sens. Oui, art brut, ouais, le mot est dit, et puis oui, je vois bien la démarche radicale jusqu'au bout, allez, on sort que 60 copies de celui-là, 120 de l'autre, et une soixantaine de box, tu dis, et voilà, et malgré ça, c'est arrivé aux oreilles de Stephen Stapleton. Ouais, tout à fait, et je pense aussi, l'album suivant, qu'on va écouter maintenant, on va entendre un côté de l'album, ça s'appelle Musique Bruit. Musique brue, et je pense que c'est un album que Stephen Stapleton a forcément remarqué, et donc je pense qu'on va écouter ce morceau maintenant. Thank you. Thank you. Thank you. depuis 12 émissions, c'est la 13e, vraiment autre chose, se consacre à la découverte radiophonique des membres de la Nurse With Wound List, et ce par ordre alphabétique. Tout ça, ça se passe sur Radio 106.8, bien sûr. Et c'est dans le cadre de ces émissions, de ces Au pied de la lettre, qu'on vient de découvrir à l'instant l'œuvre de Jean Dubuffet, puisque nous en sommes à la lettre D dans cette exploration alphabétique et radiophonique de la Nurse With Wound List. Merci beaucoup, c'est Nico de Radio Panique qui vient de nous présenter cet artiste et donc ces objets étranges sortis à très très peu d'exemplaires, soit en coffret, soit à titre individuel, à des nombres aléatoirement fixés. Même la façon de vendre et de produire la musique fait partie de l'œuvre, hein, je crois qu'on peut le dire. Enfin, c'est toute une démarche globale, c'est un peu ça, Nico? Tout à fait. Et aussi maintenant, en réécoutant ça, ça me fait aussi penser un peu que c'est un très longtemps que je suis encore passé, aller au Halte Saint-Pierre à Paris. Je ne sais pas si tu connais ce lieu-là. Non. Non, c'est un lieu. C'est un lieu où que l'art brut est souvent représenté, où qu'il y a des expositions en continu. Et donc, si que vous êtes à Paris, si que vous êtes au le Sacré de Thon, il faut descendre et là à gauche il y a le musée et c'est un musée fantastique dans le même esprit et ça représente un peu la musique qu'on vient d'entendre maintenant. Ok, Tony, tu connaissais? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était très brut. Merci Jean Dubuffet. Et en fait, c'est dans la suite logique de nos amis de la comment on appelle ça, la Los Angeles Free Society. Ouais, puisque le lien entre les arts plastiques, l'art contemporain et les musiques avant-gardistes. Sauf que là, c'est dans l'autre sens. Et c'est plus vieux aussi, hein, quand même. C'est assez vieux, les musiques de Jean Dubuffet, j'imagine, non? Oui, c'est 61. 61, ah oui, quand même, oui. Oui, d'accord. Ce qui m'étonne, moi, ça me fait penser à quelque chose. Ce qui m'étonne dans cette Nurse With Wound List, c'est qu'on ne retrouve pas les œuvres musicales d'Antonin Artaud. Voilà. Ouais. Mais il y a plein des autres aussi, hein, que j'ai dit, ils ne sont pas dedans. Mais il ne faut aussi pas oublier, c'est encore fin des années 79. Début des années 80, l'Internet n'existait pas, c'était pas facile d'avoir accès à tous les albums, d'être en courant de tout ce qui se passait. Donc je pense que la liste est déjà une belle collection de ce qu'on peut trouver, mais il y a plein de choses qui ne sont pas dedans. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui, tout à fait. Après, moi je dis ça, hein, je ne connais pas grand-chose. Hein. Donc la musique est infinie, et les arts en général sont infinis. Ouais, puis ouais. Encore une fois, on est en train de parler de disques sortis à... Non, là je parle des gens du buffet, mais bon, oui, comme l'a très bien dit Nico, il faut déjà que le son leur soit passé dans les oreilles par un biais ou par un autre. Ouais. Du coup, il n'y avait qu'un seul biais à ce moment-là, qui était le disque vinyle. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci Jean du buffet. Merci Nico. Avec plaisir. Ouais. Eh bien, je crois que c'est à moi. Je vais vous lire un petit texte en guise d'introduction pour le dernier artiste qu'on va découvrir. Je vais vous lire un petit texte d'introduction et puis on va écouter un premier morceau. Alors, ça va être un peu surprenant, mais c'est tout à fait logique. La centrale nucléaire est également appelée le Centre nucléaire de production d'électricité, autrement dit le CNPE. À Flamanville, donc est située sur la commune de Flamanville dans la Manche, près des Pieux, sur la côte ouest de la péninsule du Cotentin. Construite au pied d'une falaise granitique haute de 70 mètres, à 25 km au sud-ouest de Cherbourg, la centrale de Flamanville se trouve à l'emplacement de l'ancienne mine de fer de Flamanville, qui a fonctionné pendant plus de 100 ans, de façon discontinue, de 1860 à 1962. Flamanville figure parmi les lieux d'implantation du programme de développement nucléaire français des années 70. En 1975, une consultation publique est organisée à Flamanville et 63,7% des Flamanvillais se prononcent en faveur de l'implantation de la centrale nucléaire. À la suite de l'enquête publique menée en décembre 1977, la déclaration d'utilité publique paraît au Journal officiel de la République française le 24 décembre 1977. Les premiers terrassements sont effectués en janvier 1978 sur le site de l'ancienne mine de fer. Après 6 ans de travaux, les premières épreuves hydrauliques des réacteurs sont effectuées en octobre 1984 pour le réacteur numéro 1 et en septembre 1985 pour le réacteur numéro 2. L'unité de production numéro 1 est mise en service le 4 décembre 1985 pour atteindre sa puissance nominale le 18 mars 1986. L'unité de production numéro 2 est mise en service le 18 juillet 1986 pour atteindre sa puissance nominale le 6 novembre 1986. Le site s'étend sur 120 hectares dont la moitié a été gagnée sur le domaine maritime. Une digue de 950 mètres de long et une jetée de 300 mètres protègent les installations avec des barbelés, vous l'imaginez. La plateforme du site de Flamanville est située à 12,4 mètres de hauteur. En 2004, EDF décide d'augmenter la capacité de la centrale de Flamanville et propose l'implantation d'un réacteur EPR. Après les premiers travaux de préparation en 2006, la construction de l'EPR débute en décembre 2007 pour une mise en production annoncée à la fin 2018, ce qui n'est pas fini, on espère en 2023, il constituera le premier exemplaire de nouvelle génération de réacteurs nucléaires. Voici donc Philippe Doré et ses associés, et voici donc le ramasse-miettes nucléaire sorti en 1977. Nous allons écouter deux morceaux qui s'appellent « D'ici à là » et qui s'appelle « Nucléaire ». Chanter la laideur. Ne t'inquiète pas si la mort nous attend au péage, on ne peut pas crever comme ça. On va jaillir dans le nez, dans le serpent de feu qui rôde sur les pylônes. Chante avec moi, n'aie pas peur de claquer des mains. On va s'éclater sur les phares au ciel de nuit. On va paniquer le mirador qui veille sur nos virages. Chante avec moi, n'aie pas peur de claquer des mains. Chante avec moi, n'aie pas peur de claquer des mains. Faisaient les choses en ce temps-là. nucléaire. C'était Philippe Doré et les associaux associés, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. En fait, Philippe Doré, lui, il a commencé avec un groupe complètement inconnu pour moi, Rotomagus, 69-71, et ensuite, vite fait, avec Punch, avant qu'il monte ce groupe Philippe Doré, les associaux associés, qui ne sont autres que Pat Bouchard, Claude Derambure, Demos et Michel Vitu, et puis plein d'autres gens qui sont crédités sur l'album. Les deux albums, parce que là on a écouté deux extraits du premier album Ramasse-miettes nucléaires en 77. On va écouter deux autres morceaux du deuxième album qui s'appelle Nouveau mode industriel en 1980. Ils sont sortis chez Souffle Continu Records. D'ailleurs, les deux albums sont à 36€, je crois que c'est pas très cher, hein, et c'est vraiment bien. C'est une super découverte. Merci la Nurse with One List et merci beaucoup Manu pour la participation à ton émission. Ce sont des gens de Rouen, je pense, qui vivaient peut-être en squat, on peut imaginer, à l'époque. Et en fait, je vous ai un petit discours sur les centrales de Flamanville qui sont pas si loin de chez moi à Cherbourg. Mais l'époque voulait ça. À l'époque, d'ailleurs, faut savoir que ici, pas très loin de Cherbourg, à Valogne, il y a eu en 77, puisqu'on l'a entendu, il y a 63,4% des gens donc qui ont voté pour cette construction de centrale. Et je crois qu'en 77, 78, donc à Valogne, au tout début de la construction, il y a eu des gens comme Jacques Higelin, je ne sais pas qui d'autre, qui sont venus justement en contestation. De cette construction de centrale. Donc peut-être que ces gens-là, Philippe Doré, ses amis, qui sont à 200, un peu plus de 200 km de chez nous, n'en pensaient pas moins de ce monde nucléaire qui allait arriver. Voilà, pour finir, on va écouter deux morceaux de leur deuxième album, Nouveau mode industriel, où ça change un peu d'ailleurs, le son va changer un peu. On va écouter Que dit le chef et Dans le dédale. Le chef. sens si mal. Tout va mal et tu me t'égales. Le cœur de la vie, je m'ouvre la gueule et tout me t'égale. Je m'étale dans le métal des villes, je m'affale. Face à face à mon sage, je me sens sale. Je me bombe dans le détail, détail et je pédale. Pour me barrer d'ici que dalle, je m'emmène, je me bombe, je bats la semelle. Quand je déboule dans le détail des villes, je me débat dans des états d'âme débile. Je me les gèle, je les moule, je les mouille. J'en ai ma claque. Face en face à mon sac, je me sens sale. D'immeuble en immeuble, je bade, je m'able le temps. Devant les pubs, devant les glaces des stands, je glande et je te débande au pied des HLM qu'elle aime. Seul dans mon blocos, je cause. Seul dans mon stalag, je blague. Je gueule, j'implose. Dans la gueule de la ville, ma balle. Je veux me détaler, mais je m'étale, mais je m'affale dans le détale des villes, dans le détale des villes. Le Dédale, c'était Philippe Doré et les associés tiré donc d'un album sorti en 1980. Le titre de l'album, Tony ? Les nouveaux modes industriels. Nouveaux modes industriels. Eh ben ouais, effectivement, ça change un peu. Mal, hein. Ouais, carrément. Ouais. Voilà. En toute légèreté, hein, quand même. Hein. C'est pas un album incroyable, mais quand même très original. J'ai pas tout écouté. Hein. Moi, j'ai un peu pris, voilà, un peu vite fait au hasard des morceaux par leur titre. Je vous avoue que le morceau Dédale, ça pouvait me permettre d'introduire Dédalus, ce qu'on fera une prochaine fois. Voilà, j'y voyais un jeu de mots avec un autre groupe dans la lettre D de cette Nurse With One List. Mais voilà, très intéressant. Super découverte, merci beaucoup encore une fois de cette petite bande de Rouen, de ce groupe que je connaissais pas du tout, qui n'est pas, pourquoi pas, sans rappeler Albert Marker par exemple, hein, mais dans un tout autre genre, mais de cette utilisation de la langue française, de ces chansons, de chansons flippées dans l'air du temps, comme il est dit dans un très bel article sur Mediapart d'ailleurs, qui parle de ces deux albums qui viennent d'être réédités il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. C'est Jean-Jacques Berger qui rédige des chroniques sur Mediapart. On avait parlé d'ailleurs de Jean-Jacques Berger. Il apparaît dans cette liste. Je lis souvent ses chroniques moi aussi pour préparer les émissions. Enfin, en tout cas, il parle surtout des albums qui ont été réédités justement par Souffle Continu, le disquaire Souffle Continu, qui maintenant réédite pas mal de gens dont on a parlé ou dont on va parler de cette scène française expérimentale des années 70 qui apparaît dans la Nurse With One List. D'accord, je comprends mieux, merci Manu, je comprenais pas, merci. Je t'en prie, et j'en profite pour en conseiller la lecture à toutes nos auditrices, et ainsi qu'à vous deux, si c'est pas déjà le cas, mais Nico, à mon avis, t'as déjà jeté un œil sur le blog Mediapart de Jean-Jacques Berger. Oui, tout à fait. Ok, voilà. On va rendre l'antenne on va rendre l'antenne sur les programmes habituels de Radio Radio. C'est quoi les programmes habituels de Radio Radio, là, maintenant ? C'est Avignon, non ? Ouais, Radio Radio est à Avignon, mais là, c'est du robot. Qu'est-ce qu'on écoute ? C'est Tortoise qu'on écoute. Ah oui, voilà, c'est ça change, ça va changer un peu. Ouais, carrément. Il y a une petite série, ouais, il y a Condense juste après, donc Hint. Et ensuite, ça glisse sur des trucs un petit peu plus bizarres, Carla Christel notamment, Interférence Sardine. Enfin, ouais, il y a un beau programme qui vous attend sur Radio Radio. Et c'est sur Tortoise qu'on va rendre l'antenne, non sans avoir s'être livré à l'interminable récapitulatif de fin d'émission. Qu'est-ce qu'on a écouté ce soir, les amis, alors ? On a commencé par Roger Doyle, Nico. Tout à fait. Donc là, on a entendu quatre morceaux. Le premier était The Baby Grant, qui venait de le deuxième album Thalia, qui était sorti en 78. Et c'était un des six pièces for pupils who don't like exams. Et après, on a entendu deux morceaux de l'album Ozono. Le premier, c'était aussi Ozono. Et le deuxième morceau, c'était The Team from Empty Gun, a film extra bit. Et ça, c'était sorti en 75 sur le label Trust Records. Et comme dernier morceau de Roger Doyle, c'était au nouveau le deuxième album Thalia. C'était le morceau Thalia Parts 1 et 2 qui était sorti en 78 sur le CBS label. Ok. Tony, ensuite, tu nous as parlé de To Do It Is. On a écouté les deux duetties de l'album Look to This en 1982 sur le label The Solid Eye. On a écouté trois morceaux qui s'appelaient I Got a Right to Sing the Blue, The Burden Bee Orchestra et That Latin. Ensuite, on a entendu l'art brut, mais dans la musique. C'était de Jean Debuffet. On a entendu trois morceaux. Les deux premiers venaient de l'album Expérience Musicale qui était sorti sur le label, ou plutôt dans la galerie Edizione del Cavallino. Et le premier morceau, c'était Temps Radieux, et le deuxième, c'était L'eau, qui était sorti en 61. Et le troisième morceau venait de l'album Musique Brue, et c'était aussi le titre de l'album. C'était sorti en 61 sur le label Time Records. Ensuite, c'était Philippe Doré et les Associés, premier album en 1977, le Ramasse-Miettes Nucléaire et deux morceaux qui s'appelaient D'ici à là et Nucléaire. Et sur le deuxième album qui s'appelle Nouveau Mode Industriel, nous avons pu entendre le Que dit le chef et Dans le Dédale, sorti en 1981 et réédité chez Souffle Continu. Et ben voilà, c'était ça la 173e émission, en tout cas la 13e édition de notre hors-série au pied de la lettre. On se retrouve jeudi prochain, le 29 juillet, si tout va bien, avec Dee Dallas, justement. Si t'es parmi nous, tu pourras nous parler de ce groupe de Canterbury Jazz improvisé italien. Non, c'est un groupe italien. Canterbury. La couleur un peu musicale. Ah oui, d'accord. On pourra en parler à ce moment-là. Ah oui, avec plaisir. Et je vous parlerai des Dick Eyes qui, pour le coup, ont certaines accointances artistiques et même amicales avec la Los Angeles Film Music Society, sans pour autant en faire partie. Du coup, ça pourrait t'intéresser, Tony. Et puis, on va parler de quoi ? Du Dharma Quintet, on va parler de Wolfgang Dauner et on passera peut-être à la lettre E. Ouais, surprise. Ouais, c'est ce qui nous attend la semaine prochaine. Ce qui est bien, c'est qu'on suit l'ordre alphabétique et qu'on arrive à trouver des liens entre les groupes, ça c'est super. Et notamment ce soir, on a réussi à créer des liens et des contrastes musicaux très intéressants. Ouais, je trouvais aussi que ce soir, il y a eu une espèce de couleur. Ouais, il y a des émissions où c'est plus... où c'est moins évident parce qu'il y a vraiment des genres très très différents dans cette Nursery Zone List, mais là ce soir il y avait une espèce de petite couleur commune. Sachant qu'on s'est rien dit avant, hein. Vraiment, c'est vraiment le hasard. Hein. Ça c'est chouette. Ouais, carrément. Et ben à la semaine prochaine, Tony. Ouais, merci, au revoir. À la semaine prochaine, Nico. Oui, tout à fait. Bonne semaine. Bonne semaine à tous les deux. Allez, on continue les programmes de radio. C'est Condense maintenant pour laisser la main à l'ordinateur aléatoire mais qui a très bon goût et qui fait les programmes nocturnes de radio. Bonne fin de soirée à tous. Au revoir. Ciao.